Pierre a toujours peur des crevaisons. Il a deux obsessions. Il a peur de tomber en panne d'essence et de crever. C'est ridicule. Il y a des stations-service et des pompes à essence partout. Et puis, il doit bien avoir une roue de secours dans son coffre, non? Je m'arrête. Mon moteur chauffe. Il y a de la fumée qui sort du capot. Je vais me garer le long du trottoir. Il y a une ligne blanche. Tant pis.